بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc nous continuons aujourd'hui dans la lecture de la tentative de traduction de l'épître de l'éminent Cheikh Abu Abd al-A'la Khalid bin Muhammad bin Uthman al-Misri hafidhahullah ta'ala, l'épître intitulée Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil تاريخه وثمراته, la science de la critique et de l'éloge, sa définition, son histoire et ses fruits. Et donc, comme je l'ai rappelé donc lors des séances précédentes, que c'est une épître qui a été préfacée par un certain nombre de grands savants dans la communauté, et elle traite d'une question très importante, à savoir la critique des gens de passion et d'innovation. Très bien. Donc là, avant de continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, j'aimerais revenir juste sur une remarque relative à ce sujet. Et donc c'est une remarque qui s'impose, vu donc que c'est en relation avec ce sujet important, c'est que les gens d'innovation à notre époque ont inventé beaucoup de fausses règles. Hein. Donc non seulement ils sont en train donc d'attaquer cette science et donc d'essayer d'éloigner les gens par rapport à cette science et par rapport surtout aux savants de la critique et de l'éloge, tel que Cheikh Rabi' al-Madkhali et tel que Cheikh Muqbil al-Wadi'i et tel que donc Cheikh Ubaid al-Jabiri et tel que Cheikh Mohammed bin Hadi et Cheikh Abdullah al-Bukhari et leurs frères. Donc non seulement ils sont en train d'éloigner les gens vis-à-vis de cette science et de leur le musulman ne doit pas s'occuper de ses sujets et de ses points et de ses questions, c'est plutôt qu'il doit réformer son âme. Hein, donc il leur lance des choubouhettes, hein, de ce genre. Hein, donc nous on dit le musulman doit réformer son âme, oui c'est bien, hein, mais on ne peut pas réformer son âme en écoutant des gens d'innovation, hein, justement. Donc lorsqu'on veut réformer son âme, il faut s'adonner à une science pure, hein, et donc mettre en œuvre cette science pure et authentique, et non pas qu'on peut réformer son âme en écoutant les gens d'innovation. Jamais, hein, jamais on ne peut réformer son âme avec les gens d'innovation. Hein. Je rappelle que non seulement ils ont critiqué cette science, et les grands savants qui travaillent notamment dans cette science, tels que ceux que j'ai cités et d'autres, mais aussi ils ont inventé des choubouhat et des fausses règles pour se protéger, hein, afin de se protéger contre les frappes, hein, des gens de la sunna, et afin de propager leur méthodologie, hein, parmi suiveurs et ainsi de suite. Et donc parmi ces fausses règles qu'ils ont inventées, que les gens d'innovation ont inventées, j'ai juste sélectionné quelques-unes pour les rappeler et pour faire attention à ces choubouhats. Hein. Et donc ces choubouhats, elles sont réfutées et elles sont magistralement réfutées et écrasées par les gens de la sunna dans les livres de Cheikh Rabi' et dans les écrits et dans les cours de Cheikh Ubaid et de leurs frères, hein, donc ils sont réfutés ces choubouhats, ainsi que dans les réponses de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Fawzan et ainsi de suite. Donc parmi les choubouhats qu'ils ont amenés, par exemple, ils disent, hein, اشتراط الإجماع لقبول الجرح والتبديع, hein. Ils ont dit, il faut donc, ils exigent le consensus, l'unanimité, afin d'accepter la critique. Ils disent que pour accepter une critique, il faut que tous les gens de science soient d'accord sur la critique d'un tel. Et si, par exemple, certains savants l'ont critiqué, et un seul savant ne l'a pas critiqué, ou même il a fait son éloge, hein, donc eux, ils vont s'attacher à cette recommandation de ce seul savant, ou de certains savants qui ont fait son éloge. Hein. Et ils ont même allé plus loin en exigeant donc le consensus et l'unanimité pour accepter la critique. Et cette condition donc de l'unanimité de la critique, elle est nulle et non avenue. C'est une condition ce n'est pas une condition. En réalité, c'est une fausse condition et c'est une fausse règle que les gens d'innovation ils ont mis dans les esprits de leurs suiveurs. Ils les ont trompés en exigeant que pour donc que quelqu'un soit critiqué, il faut que tout le monde hein, donc soit d'accord pour le critiquer. Donc là, on dit c'est pas une condition. Donc la condition c'est de montrer la preuve que lui il a contredit un fondement ou des fondements, ou bien il a contredit un certain nombre de points hein, qui constituent donc ce qui ressemble à un fondement. Donc là, celui qui contredit, hein, ça y est, donc lorsque le savant il montre sa bid'a et son écart par rapport à la sunna, il s'agit pour cette personne critiquée, il s'agit de se repentir et de revenir et de corriger. Hein, donc, et non pas de chercher des recommandations ou donc de brandir une ancienne recommandation. Donc cela ne sert à rien. Donc un seul savant critique, un alim bil jarh wa ta'dil, un savant qui connaît le jarh wa ta'dil et ses règles, s'il critique quelqu'un, donc cette personne, elle est critiquée, majrouh, hein, ça s'appelle une personne critiquée, dont on ne doit pas lire les livres, hein, ou bien d'écouter les cours et donc les conférences et ainsi de suite. D'accord? Si un savant critique, hein, et surtout s'il montre la preuve, hein, il faut accepter le jarh. Il faut accepter un jarh sans qu'il y ait donc unanimité, pour critiquer un tel. Et donc cette unanimité, il est rare de la trouver, donc parce que les gens de science ne connaissent pas tous tous les cas, ne connaissent pas tous. Hein? Donc un tel et un tel et un tel et un tel. Hein? Donc celui qui donc il y a une règle. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Celui qui connaît est une preuve contre celui hein, qui ne connaît pas. Ou bien c'est une preuve sur celui qui ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un il va te dire moi je ne connais d'un tel que le bien. Alors qu'un autre il va montrer que lui il contredit dans un fondement. Hein? Donc il contredit la voie de As-Salaf Salih. Donc cette première condition qu'ils ont mis, ou bien cette fausse règle, hein, donc c'est une mauvaise condition et c'est une fausse condition et ils n'ont pas donc de preuves pour exiger l'ijma. Deuxième remarque aussi, ou deuxième fausse règle, ils ont mis comme shubhat la yuqni'uni. Ils ont dit par exemple cette critique ne me satisfait pas ou ne me convainc pas. Hein? Je ne suis pas convaincu. Ils vont dire, je ne suis pas convaincu. Hein? Je ne suis pas convaincu. Et donc, ces shubuhat sont surtout élaborés par quelqu'un qui s'appelle Ali Hassan al-Halabi, al-Mubtadi'. Hein? Ali Hassan al-Halabi, c'est lui qui a inventé cela, ainsi que al-Ma'ribi. Hein? Ali Hassan al-Halabi qui est en Jordanie. Donc là, ils disent la yuqni'uni, c'est-à-dire que la critique d'un tel vis-à-vis d'un innovateur, ils vont dire non, moi je ne suis pas convaincu de cette critique. C'est plutôt que je vais continuer à lire donc un tel et que pour moi c'est pas un innovateur. La yuqni'uni. Hein? Donc lorsque donc l'un des savants il fut interrogé sur cela, Cheikh Mohammed Ibn Hadi, il a dit donc lorsqu'on te montre la preuve. Et on te montre qu'il a contredit un fondement des gens de la sunna. Et que donc Al-Halabi ou un autre il vient dire, donc pour l'Aman al-Ilmiya, le Cheikh n'a pas cité Al-Halabi, donc nommément, hein, Mais moi je dis que donc c'est lui et le Maghribi qui sont venus avec cette shubha. Donc là le cheikh il a dit lorsque quelqu'un il vient il dit donc la yuqni'uni, qu'est-ce qu'on va faire pour cette personne, qu'est-ce qu'on va lui donner de plus, hein? Donc là le musulman il doit accepter les paroles des gens de science lorsqu'elles sont étayées par des preuves, hein, lorsque leurs paroles sont étayées par des preuves, il s'agit d'accepter donc la critique, hein, et donc dire la yuqni'uni, ça c'est une shubha, hein. Donc ils disent je ne suis pas convaincu de telle critique. Donc, or, les gens de la sunna défendent la religion, hein. Les innovateurs ont contredit des fondements. Et le jeune insouciant vient dire, je ne suis pas convaincu, hein. Donc, suite à ces innovateurs qui ont dit cette shubha, la yuqni'uni. Donc, le jeune, il va dire, là, je ne suis pas convaincu. Il s'agit plutôt de suivre les preuves, hein. Il s'agit de suivre les preuves. Et s'il y a des choses, hein, qui nous dépasse, hein, il faut donc être derrière les gens de la sunna, les gens de science, dans leur combat contre les opposants. Hein. Donc il faut être derrière les gens de science, il faut revenir aux gens de science, il faut respecter les gens de science et ne pas s'exprimer ainsi, hein, vis-à-vis des paroles et des gens de science. Et les gens de science, lorsqu'ils critiquent quelqu'un, ils montrent beaucoup de preuves, ils montrent les preuves. Hein. Et les gens de science, ils sont mieux placés que nous pour critiquer un tel, et donc lorsqu'il le critique, c'est vraiment parce que donc il a contredit la sunna. Aussi parmi leurs innovations, il y a une innovation proche de celle-ci, ils disent « la yelzamouni », hein, « je ne suis pas obligé ». Je ne suis pas obligé, ils vont dire « un tel, il a tel avis, mais moi, je ne suis pas obligé de prendre son avis, hein ». Donc là, cette parole n'a pas de sens. La yelzamouni, hein, je ne suis pas obligé. Nous disons plutôt al-haqqu yelzamuna. Hein, nous sommes obligés de suivre le haqq. Il y a un seul haqq. Hein, ou bien tu es avec les gens de le haqq, ou bien donc tu veux prendre donc un sentier singulier avec les gens d'innovation. Bunayyat tariq. Tu veux prendre un sentier donc très étroit avec les gens d'innovation, alors que si tu rejoins les gens de la sunna, tu es alhamdulillah fi si'atin min al-amr, hein, tu es dans un endroit où il y a alhamdulillah l'aisance, où il y a donc al-haq, où il y a donc le suivi de la sunna. Donc al-haq yalzamuna, et nous devons prendre donc al-haq en entier et non pas prendre ce qui convient à donc on sélectionne et on choisit et on rejette une partie de l'haq. Non, il s'agit d'accepter lorsque donc les gens de science ils nous montrent, que ce soit des questions de la aqida ou de l'fiqh ou de as-suluk, hein, de la croyance ou donc de l'fiqh, les branches, hein, donc de la pratique religieuse ou bien du bon comportement, il faut appliquer tout cela. Et lorsqu'ils critiquent un tel, ou ils critiquent une innovation, ou un groupe innové, hein, et combien ils sont nombreux, malheureusement, surtout à notre temps, donc là, il s'agit d'accepter cela, il s'agit de se cramponner à la vérité. Donc il faut accepter toute la vérité, hein, il faut accepter la vérité entière. Le savant critique, ou bien le savant critique, hein, pour protéger l'apprenant débutant, et pour protéger les gens de la masse, hein. Sa critique engage les gens, et non pas qu'elle n'engage pas, la yelzamouni. Si, elle engage les gens. D'accord? Et parmi leurs choubettes aussi, ils ont dit, et ça a été dit par exemple quelqu'un qui s'appelle Adnan Ar'our, qui est un Syrien, qui a appelé les gens de la Syrie aux manifestations, hein, et maintenant la Syrie vaut, donc le monde entier, il a connu, donc, c'est-à-dire sa tragédie, hein, et son drame. Et donc sa misère, ils ont connu maintenant, le monde entier il connaît ce qui s'est passé, et c'est à cause de ces doua, c'est à cause de Adnan Ar'our et de ces gens qui ont appelé à cela. Adnan Ar'our est donc quelqu'un aussi qui s'appelle Nasser Al-Umr, hein, et donc les gens d'innovation tels que le Qardawi et tels que le Aouda et tels que donc le Houaini et tels que Hassan et tels que donc beaucoup donc l'Adawi, hein, ils ont appelé à ces innovations de Al-Khuruj et des manifestations, et qui ne se sont pas apaisées jusqu'à maintenant. Ces manifestations ne sont pas apaisées en Syrie, en Libye et donc dans beaucoup d'endroits, la situation est très critique, très grave et les gens sont en train de souffrir, hein, ils sont en train de souffrir. Donc que ce soit les adultes ou les petits ou les femmes ou les vieux, hein, donc tout le monde est en train de souffrir. Wallah al-musta'an. Donc là, ils disent, Nusahih wa la nujarrih. Ça, c'est une parole de Adnan Ar'ouri. Ça a été propagé par d'autres. Nusahih wa la nujarrih. Ils ont dit, on corrige, mais on ne critique pas les personnes. On corrige les erreurs, hein, mais on ne critique pas les personnes qui commettent ces erreurs. On ne les critique pas. Hein. Or, les erreurs n'existent qu'à cause de ces personnes qui les propagent et qui les ont commises. Hein. Les erreurs, les fautes n'existent qu'à cause de ces gens qui ont commis cela. Hein? Donc les salafs ont désigné, hein, Nabi alayhi salam, hein, Nabi alayhi salam avait dit, hein, yakhruju min di hada, et il a désigné une personne, hein, il sortira de la lignée ou bien à l'instar de celui-ci, et il l'a indiqué, il l'a désigné, hein. Donc non pas qu'il a dit donc voilà, ceci est une faute, on la corrige, mais la personne, on l'oublie. Non, le prophète, il a désigné, hein, donc, de l'Khouwaïsir al-Tamimi, il a dit celui-là, hein, donc il l'a désigné, donc on désigne les fauteurs, et on désigne les personnes qui ont contredit la sunna. Hein, donc, nous sahih, moi, nous jarrih. Et comme avait dit Cheikh al-Fawzan, Cheikh Fawzan, alhamdoulilah, il a dit non, si, nous, on corrige et aussi on réplique aux innovateurs. Il faut répliquer aussi aux innovateurs. Parce que les innovations n'existent pas si sont des innovateurs. Hein? Donc on ne peut pas donc seulement corriger les innovations et laisser les innovateurs travailler encore et ainsi de suite. Non, il faut donc mettre en garde contre eux. Et donc, subhanallah, donc même dans les sciences mondaines, hein, donc là, ce serait une chose inacceptable. Hein? Donc de lutter contre un virus ou une épidémie sans dépister quelle est sa source. Ou bien donc de lutter contre un phénomène ou contre des malfaiteurs ou des criminels. Lutter contre donc un phénomène sans donc attraper les criminels ou les malfaiteurs. Hein? Donc c'est impossible. Hein? Donc là, on corrige les erreurs. Et aussi on réplique aux innovateurs. Et le prophète alayhi salam a désigné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné des aqwam et des gens et il les a désignés. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Il l'a nommé donc depuis le début donc de la révélation, de l'envoi du messager alayhi salam, il a désigné Abi Lahab comme étant quelqu'un qui va finir au feu. Hein? Et il a désigné aussi donc des aqwam qui sont très très anciens. Très anciens, mais Allah il nous a raconté leur voie et ce qu'ils ont fait. Hein, c'est pour que nous, on ne tombe pas dans ces erreurs anciennes. Hein. Donc là, le musulman doit méditer sur cela aussi. Aqwam badat, wantahat, wanqaradat. Et Allah nous rappelle leur voie. Donc là, des gens qui très anciens, donc ces peuples n'existent pas maintenant. Qawm Ad, Qawm Thamoud, Qawm Salih, ainsi de suite. Donc, aimé Allah, il nous a mis en garde contre leur voie et contre leur piste. D'accord? Et aussi parmi leurs shubuhat, c'est qu'ils disent, hein, il ne faut pas pratiquer al-hajr al-shar'i. Al-hajr, le boycott. Hein, le boycott. Ils disent qu'il ne faut pas boycotter les personnes. Hein, al-hajr, donc là, ça va diviser les musulmans et ainsi de suite. Hein? Donc non, le hajr al-shar'i, c'est donc une piste que le messager al-salam nous a montré. Hein? Donc le prophète al-salam même a pratiqué le hajr contre des gens qui sont meilleurs donc que ces innovateurs. Hein? Le prophète al-salam il a pratiqué le hajr vis-à-vis de trois de ses compagnons. Hein? Donc ثلاثة الذين خلفوا et qui sont cités dans sourate Tawba. Hein? C'est des compagnons donc ils n'ont pas participé à une conquête, à une ghazwa. Donc là le prophète lorsqu'il est revenu, donc là il a eu donc un comportement vis-à-vis des munafiqin, et il a eu donc une position vis-à-vis de ces trois jusqu'à ce que donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que Allah subhanahu wa ta'ala taba alayhim, donc il a accepté leur repentir, parce que ces gens ils n'ont pas participé, hein, donc parce que donc ils n'ont pas donc suivi juste après le messager alayhi salam dans sa conquête, alors que les autres ils ont donc les munafiqins, ils ont cherché des alibis et des fausses causes et des excuses pour dire que nous voilà on avait une excuse de ne pas participer, alors que ces trois ils étaient sincères, ils ont dit hein, nous c'était de notre faute, on n'a pas suivi le messager juste après, et après on a eu du regret hein, donc de ne pas participer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a montré à son messager alayhi salam d'abord hein, donc de boycotter ces gens, il a pratiqué le boycott vis-à-vis de ces gens hein, et donc par la suite après donc une durée hein, une certaine durée, donc je pense que c'est 50 jours hein, regardez combien 50 jours est dur et très difficile pour ces gens sincères. Et imaginez que tout Médine, hein, toute la ville ne parle pas à ces trois personnes. Imagine hein, que tu vis dans une ville, personne ne te parle. Dans la cité de Médine, hein, personne ne leur parlait. Même ne leur rendait même pas salam. Hein. Et même dans l'histoire de l'un d'eux, donc un ancien ami ne lui a pas rendu salam. Hein. Celui qui était donc parmi ces trois, il a dit assalamu alaikum à un ami, et donc il ne lui a pas rendu salam. Et donc lui, il a posé, il a demandé, est-ce que je suis un hypocrite, est-ce que je suis un munafiq? L'autre, il lui a dit, et moi, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Le prophète, il nous a ordonné de ne pas vous parler. Hein? Imaginez combien c'est difficile donc cette situation. Et ça, c'était des gens, regardez cette erreur. Hein? Regardez cette erreur, c'est pas comme ce que ces gens sont en train de faire. Hein? Donc ces innovateurs à notre époque sont en train donc de commettre des erreurs tellement plus grandes que ce que ces trois nobles compagnons ont commis comme faute. Hein? Donc là c'est donc le hajr al-shar'i, c'est un remède et c'est une solution. Hein? C'est une solution salafi et c'est une solution montrée par donc la pratique du messager alayhi salatu wassalam. C'est dans les choses de la dunya qu'on n'applique pas le boycott plus de 3 jours. C'est dans les choses de la vie terrestre, dans la dunya. Ces gens, ils amènent parfois un hadith du prophète alayhi salatu wassalam et ils veulent généraliser même à la chose qui regarde la religion. Hein? لا يحل للمؤمنين ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas donc pour une chose donc de la dunya donc boycotter son frère plus de 3 jours. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وافضلهما من يبدا بالسلام. Le meilleur d'entre eux c'est celui qui va dire salam et c'est celui qui va revenir donc à côtoyer son frère. Donc là, ça regarde dunya, ça ne regarde pas donc l'akhira. Donc le hajr, le boycott, qui concerne l'au-delà, qui concerne les choses de religion, qui concerne les choses du din, hein. Donc ce hajr peut donc aller jusqu'à donc la mort de la personne. Donc ça n'a pas de limite, jusqu'à ce qu'il se repente ou bien jusqu'à, c'est-à-dire ce qu'il meurt, hein. Et donc, alors que dans les choses de la dunya, on ne dépasse pas 3 jours. Très bien. Donc, ils mettent en garde contre al-hajr al-shar'i. Hein, et donc, ils disent que nous, on n'aime pas les mises en garde, alors qu'ils mettent en garde contre al-hajr al-shar'i, ils mettent en garde contre les gens de la critique et de l'éloge. Ils sont en train tout le temps de critiquer Cheikh Rabi'. Hein, donc wallah al-musta'an. Aussi parmi leurs égarements et parmi leurs shubuhat, c'est al-ihtijaj biman zakka fulan li-ibtal al-jarh al-mufassar. Hein? C'est-à-dire ils amènent des recommandations de gens de science afin d'annuler la critique. Hein? Ils vont amener des recommandations, ils vont dire mais un tel C'est voilà, c'est tel savant qui lui a donné une tazkiya. Hein? C'est un tel qui a lui donné une tazkiya. Donc il pense que plus, puisque un tel il l'a recommandé un certain jour, ça y est, cela va aller jusqu'à la vie, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie. Que cela, même s'il commet n'importe quoi, hein, il ne sera pas sujet à la critique, et même si on ne va pas accepter la critique à son égard. Hein. Or, si quelqu'un a une tazkiya émanant de l'imam Ahmed, comme dit Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah, si quelqu'un il a une tazkiya de l'imam Ahmed, ou zakkah alf alim, ou jarahah alim bid-dalil, fayajib mutaba'at man jarahah. Donc là, si par exemple quelqu'un il a une tazkiya émanant de l'imam Ahmed, ou bien émanant de 1000 imams, hein, mais il se trouve que celui-là, il a contredit un fondement des gens de la sunna, ou bien il a innové dans la religion, celui-là il est critiqué, même s'il a une tazkiya émanant de l'imam Ahmed, ou même s'il a 1000 tazkiya. Hein, donc là, il y a des gens qui courent derrière les tazkiyats, et donc je n'ai pas connu à notre époque quelqu'un qui court derrière les tazkiyats comme quelqu'un qui s'appelle Salim Abu Islam al-Jazairi al-Bulaydi. Hein, celui-là, il court derrière les tazkiyats, et là, donc il va chez les gens de science, et eux, ils jugent sur ce qu'ils connaissent de la personne, ils donnent parfois des mots comme ceux-là. Il le recommande, il l'encourage à prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne connaissent pas vraiment son hal. Mais ceux donc qui sont de son pays, tels que les savants donc d'Algérie, tels que Cheikh Al-Azhar Sniq rahimahullah, il l'a critiqué, il a montré que telle personne, donc on ne prend pas la science de lui. Donc là, il s'agit donc de suivre le savant, hein, qui connaît son hal, et non pas donc de se fier à ses tazkiyats que cette personne a glané d'ici et là, il a rassemblé des tazkiyats pour tromper les gens. Alors que lui, il ne prêche pas à la voix salafie. Lui, il veut prêcher à sa propre personne, et la preuve, c'est que même il a intenté un procès à ce noble savant qui est Cheikh Azhar Sniqra. Hein? Il a amené dans les tribunaux Cheikh Azhar Sniqra pour répondre à cela, donc répondre de cela, que tu m'as critiqué et ainsi de suite, c'est une diffamation. Donc là, c'est ce que cette personne a commis, hein, donc est grave. Donc il a tahakama ila al-qanun al-wad'i. Donc là, il a amené un cheikh au tribunal, tout en sachant que ce tribunal, il ne juge pas par ce que Allah a fait descendre. Hein. Donc là, il a fait cette erreur, il a fait cela donc à l'égard d'un savant. Ce qu'il a fait, il est très grave. Hein. Ce qu'il a fait est très grave. Et donc cette personne, par exemple, il court derrière tazkiyat. Et les tazkiyat, la tanfa'uhu. Les tazkiyat, les recommandations que quelqu'un le recommande, ou 2, ou 10, ou 20, cela ne lui profite en rien, hein, puisqu'il contredit la sunna. Cela ne lui profite en rien. Ce qui lui profite, c'est le repentir. C'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre la sunna, et de s'attacher à la voix du salaf salih, et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc d'appeler clairement à Allah subhanahu wa ta'ala, non pas avec donc des discours juste pour rassembler, pour avoir des suiveurs, hein, embellir des discours et enjoliver des paroles juste pour avoir un certain nombre de suiveurs, hein, mais qu'est-ce que vous leur enseignez, Allahu a'lam. Très bien. Et donc parmi aussi les choubouhats des gens d'innovation, c'est bid'at mouazanat. Bid'at mouazanat, que veut dire bid'at mouazanat? Hein, ça, c'est une bid'a. C'est pas menhaj, parce que menhaj, ça se dit pour quelque chose de bien, une méthodologie, hein. Mais là, c'est une bid'a, c'est une innovation qui est bid'at mouazanat. Hein, ils vous disent, hein, il faut obligatoirement citer les bonnes actions d'un tel que vous critiquez. C'est cela que ce que veut dire bid'at mouazanat. Hein, il exige, lorsque vous critiquez quelqu'un, ils vous disent, mais il faut citer l'autre partie aussi qu'il a. Il faut dire qu'il a donné tel cours et tel cours, il a fait tel effort, il a fait tel da'wah, il a fait telle chose, et puis vous citez son erreur. On leur dit, hein, cela n'a pas de sens dans les critiques, hein, mais plutôt dans at-tarajim, dans les biographies. C'est dans la biographie qu'on cite toutes les choses donc relevant de la vie d'un tel, dans tarjama. Il a fait ceci, il a fait cela, il était dans tel madhhab, il a changé, il est allé vers telle chose, il a vécu dans telle place, il a demandé la science auprès d'un tel, on cite toutes les choses de sa biographie. Alors que dans la science, donc dans l'ilm al-jarh wa al-ta'dil, dans nasiha, lorsque vous voulez donner un conseil à la umma, ou bien lorsque vous voulez donner un conseil à quelqu'un, vous citez le fondement que celui-là il a contredit. Parce que vous êtes en train d'orienter votre frère, vous êtes en train de l'orienter vers quelqu'un qui est fiable. Hein? Or, un tel, il n'est pas fiable puisqu'il a contredit tel fondement. Mais si vous allez lui dire qu'un tel, il a contredit tel fondement, mais il a telle et telle conférence et tel cours, il a telle chose, l'autre, il sera dans l'embarras. L'autre, il sera dans l'embarras. De même dans la chose terrestre. Si vous êtes un spécialiste dans un domaine et que vous allez faire l'éloge d'un produit, vous allez énumérer ses éloges et ses qualités, hein, et vous allez citer un défaut, l'autre il sera dans l'embarras, il restera perplexe, il ne va pas connaître qu'est-ce qu'il doit faire. Vous lui dites que tel objet il a tel et tel et tel mérite. Mais il a tel défaut. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va donc faire un mauvais choix. Hein? Puisque vous énumérez beaucoup de qualités, vous citez un défaut. Donc il y a des gens qui vont... et aussi, donc les gens, ils ne savent pas, parfois, la gravité de l'erreur. Ils disent, un tel, il a 3 erreurs. Un tel, il a 1 erreur. Hein? Un tel, il a seulement 5 erreurs. Mais regardez combien il a donné de conférences, combien il a donné de biens. Hein? Non, on leur dit, lorsque quelqu'un il contredit la sunna sur un fondement, il sort de la sunna vers le bid'a. Hein? Il sort du cercle des gens de la sunna vers le cercle général des musulmans, donc, mais il sort de la sunna vers le bid'a, hein, plus précisément. C'est-à-dire qu'il quitte le ta'if al-mansoura ou le firqa al-najiyya, il sort vers les gens de la bid'a. Hein? Donc il sort donc vers... Donc le cercle plus général, il reste encore musulman. Sauf si son innovation est une innovation qui fait sortir même de l'islam. Parfois, il y a des gens qui commettent une parole qui va les chasser de l'islam. Non, on a vu dans Nawaqid l'islam que la personne peut dire un mot, hein, ce qui va donc faire qu'il sort même du cercle, hein, ou bien il va quitter même la religion de l'islam. Hein. Donc comme ce qui a été mentionné dans surat at-tawba. Donc wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudun al-'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Donc là ils ont prononcé une parole à l'égard des compagnons et Allah les a considérés comme étant donc mécréants parce que donc ils ont dit une parole à l'égard du prophète et des compagnons. Du prophète et des compagnons. Ils ont dit une parole, ce qui les a chassés même de l'islam, et donc les a rendus mécréants, hein, après leur foi. Hein? Donc là, les gens, ils mélangent parfois. Ils disent, il a une erreur, mais il a beaucoup de biens, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on gère les choses. Hein? On gère les choses, on revient aux gens de science, et ils vont nous dire, ça c'est un fondement. Et celui qui contredit un fondement, ça c'est il sort donc de la voie des gens de la sunna vers celle des gens de al-bid'a. Sauf s'il se repente, hein, s'il va se repentir, hein, alhamdulillah. Donc là, bid'at al-muwazanat, il faut faire attention. Donc bid'at al-muwazanat, c'est ils ont dit il faut établir une balance, hein. Donc là, cette balance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les a'mal de al-ibad. C'est Allah qui établit la balance le jour du jugement. Donc dernier. Alors que ici, nous on juge sur dahir, ma badalina min an-nas. Ce que nous voyons chez les gens. Donc celui qui montre la sunna et qui va défendre la sunna et qui est avec les gens de la sunna, donc et qui est sur les fondements des gens de la sunna, il est sunni. Et celui qui donc qui est avec les gens des innovations, il les fréquente, il les aime, hein, et ainsi de suite. Il est en train donc de faire leur éloge. Hada min du'atihim. C'est parmi les gens qui prêchent, hein, pour les innovations. Très bien. Et donc, voilà. Et beaucoup de gens sont derrière ces fausses règles. Donc, ces exemples de règles qu'ils propagent, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été critiqués par les gens de science. Hein. beaucoup de gens sont derrière ces fausses règles. Ils ont mis ces fausses règles comme des barbelés. C'est comme lorsque il y a donc le débutant, le pauvre débutant, lorsque par exemple une soubha ne va pas le prendre, il va trouver un autre obstacle. Hein? Lorsque donc il ne sera pas atteint par la soubha de la médisance, vous faites de la médisance, ils vont lui poser la yuqni'uni, ils vont lui poser aussi donc la yelzamuni, ils vont lui poser, donc c'est des obstacles, des obstacles. Hein? Celui qui va vraiment s'éloigner donc des gens d'innovation, c'est celui qui va donc fréquenter les gens de la sunna et qui va s'éloigner des gens d'innovation. Donc là, ces fausses règles ont été inventées par surtout par Adnan Ar'our et par Abu al-Hassan al-Ma'ribi et par Ali Hassan al-Halabi et par Abd Malik Ramadani, hein, et par Farih al-Harbi et par Mohammed ibn Abdullah al-Imam al-Yamani, hein, al-Raymi, hein, et par par exemple aussi Youssef al-Qardawi et par Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, hein, et ainsi de suite. Donc là, je cite surtout ceux qui ont donc inventé des choses pour combattre les gens de la sunna. Hein. Il y en a d'autres, beaucoup de théoriciens, donc des innovations. Ainsi que tous les opposants, les autres opposants, le mukhalifin, les autres opposants qui propagent ces fausses règles et d'autres, hein, pour duper les gens de la masse et pour passer pour des victimes. Ils passent pour des victimes. Ils sont en train de détruire des pays, par exemple, tels que ce Adnan Ar'our et les autres sont en train de détruire Nasser al-Umur et ainsi de suite, sont en train de détruire des pays comme cela, et par la suite ils vont dire que un Nasr Qadim quand même. Donc là, que la victoire va venir quand même. Même si on a détruit la Syrie, ça va venir. Hein. Donc lui, il est toujours sûr, hein, de cela. Wallah al-Musta'an. Donc là, ils veulent passer pour des victimes. Ils disent, mais on nous critique, on parle de nous. Ça c'est le riba, c'est cela. Et donc ils donnent des choubas aux jeunes. Hein. Alors qu'ils sont des innovateurs. Ce sont des innovateurs et non pas des victimes. Hein. Ce sont des innovateurs et non pas des victimes. Et parmi les francophones aussi, il y a donc ceux qui consomment. Les francophones, ils n'ont pas élaboré des innovations, mais ils sont en train de consommer et de répéter ce que disent ces ikhwan et ces mubtadi'a que j'ai cités. Donc là, Rachid Abu Hudayfa, qui est appelé maintenant Rachid Al-Jay, ou bien Hassan Iqiyoussan, ou Nadir Abu Anas, ou Salim Abu Islam, al-Jazairi al-Bouleidi, ou Mohamed Bajrafil, ou Islam Ben Ahmed, ou Tariq Ramadan, et les autres, ce sont des innovateurs. Ce sont des innovateurs, mais ils sont des consommateurs de ces innovations qu'ils prennent chez, par exemple, chez donc Mohamed Hassan, ou al-Arifi, ou Mohamed al-Mughrawi, ou al-Eid Sharifi, ou donc les autres, donc ils sont nombreux, hein. Ils prennent chez les arabophones et ils les propagent parmi les francophones. Ce sont des consommateurs d'innovation et ils vivent et se nourrissent de ces ambiguïtés et de ces innovations et ils se barricadent et se protègent par ces fausses règles. Ils se font protéger derrière ces fausses règles, comme on a cité tout à l'heure, bid'at mouazanat et cela. Donc là, ils ne vont pas dire aux jeunes, ça c'est le mouazanat, mais ils vont le mettre, hein, donc ils vont le ligoter et l'enchaîner par cela. Ils vont dire, mais regarde, nous on a tel et tel et tel et tel cours, et telle et telle et telle conférence, et on a fait telle et telle activité, et ainsi de suite, et on vient me critiquer deux points. Hein? Établis la balance. Hein? Donc là, il trompe. Là, il est en train de tromper le jeune par bid'at mouazanat. Il est en train de lui montrer un plateau de la balance où il y a, on a fait tel séminaire, telle activité, telle chose, tel prêche, tel serment de vendredi, telle chose, hein. Et de l'autre côté, il y a deux erreurs. Et le jeune, il va penser que deux erreurs, ça ne veut rien dire derrière tout l'effort que cette personne, il a fait, hein, donc qu'il pense que ce sont des hasanats. Allahu a'lam, est-ce qu'il a des hasanats chez Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, donc, il a plus de siyyi'at que de hasanats. Mais ici-bas, nous, on agit selon les règles donc des savants de Jarh wa Ta'dil. Les savants de Jarh wa Ta'dil, donc depuis les muhaddithin premiers, et depuis ce manhaj qui a été instauré par le prophète alayhi sallam, qu'on m'a rappelé chez Abu Abd al-A'la, que le premier ayant critiqué les gens, c'est le prophète alayhi sallam, il a désigné le professeur Tamimi, il en a désigné d'autres. Il a désigné donc Hamel, qui a donc donné une parole, comme quoi il n'a pas accepté le jugement du messager et ainsi de suite. Donc là, faites très attention à ces points. Wallah al-musta'an. Très bien. Donc là, nous, on va revenir à notre matière qu'on est en train de lire et qui est la traduction de cette risala. Donc de l'éminent Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri hafidhahullah ta'ala. Et là, la dernière fois, on s'est arrêté sur une fatwa de l'éminent savant Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'érudit savant Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, fut interrogé. Quelle est la règle sur l'existence de ces sectes? At-Tablir, Al-Ikhwan al-Muslimoun, Hizb al-Tahrir, et d'autres dans les pays des musulmans en général. Et la dernière fois, on a dit un peu en quoi consiste Hizb al-Tahrir. Il répondit, Hafidhahullah ta'ala, nous ne devons pas accepter ces groupes affluents vers nous, d'Khila, parce que ce sont des groupes qui sont rentrés en Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite ne connaissait pas ces Ahzab et ces groupes et ainsi de suite. Elle connaissait un seul groupe. Et c'est comme cela que la Ummah musulmane doit être en réalité. Un seul groupe, un seul bloc face au kuffar. Mais il se fait que les gens d'innovation, ils ne vont pas suivre le messager alayhi sallam dans sa voie. Ils ne vont pas suivre les pires prédécesseurs, ils ne vont pas suivre Salaf Saleh, ils ne vont pas suivre ce asl, ce fondement de base, ce chemin donc de base qui a été instauré par le messager alayhi sallam et par les califs bien guidés et par Salaf Saleh, mais ils vont plutôt, les gens d'innovation, ils vont plutôt choisir des pistes, bunayyat tariq, ils vont choisir des pistes, ils vont suivre donc des chefs, d'autres chefs et d'autres patrons, le début des innovations jusqu'à nos jours. Donc là, le cheikh, hafidhahullah, il a répondu, il a dit, nous ne devons pas accepter ces groupes affluents vers nous, parce qu'ils cherchent à nous faire dévier et à nous déviser, en faisant d'un tel un tabliri, d'un tel un ikhwani, etc. Donc là, ces groupes, quel est leur rôle? C'est qu'ils divisent la Ummah. Ils déchirent la Ummah. Ils déchirent la Ummah. Pourquoi cette division, dit le Cheikh? Pourquoi cette division? Ceci est une mécréance envers le bienfait d'Allah Ta'ala qui dit, hada kufr ni'ma, est une mécréance à l'égard, du bienfait d'Allah Ta'ala qui dit, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Sourate Ali Imran, la famille de Imran, le verset 103. Nous sommes un seul groupe, dit le Cheikh. Nous sommes un seul groupe. Unis, et nous sommes lucides. Nous savons le chemin, nous connaissons le chemin, et nous sommes lucides. Pourquoi donc troquer ce qui est bon contre ce qui est mauvais? Pourquoi délaisser la chose qui est précieuse et prendre la chose qui est de moindre qualité et où il y a l'égarement, où il y a donc la piste d'un tel, au lieu de s'attacher à la piste du messager et de ses compagnons? Pourquoi renoncer à ce que Allah Azza wa Jalla nous a octroyé comme rassemblement, comme rassemblement, accord, ilfa wa ittifaq bin muslimin, voie droite, sirat mustaqim? Pourquoi laisser cela pour nous affilier à des parties qui nous divisent, qui nous déchirent, qui déchirent notre union et sème l'animosité entre nous? Donc là, c'est parti, qu'ils soient politiques ou qu'ils prétendent ne pas être, donc dans la politique, celle que Tablir, Ils disent, nous, on s'éloigne même de la politique. Mais vous êtes en train de déchirer les musulmans et vous êtes en train de créer une secte et une piste. Hein. Vous n'êtes pas en train d'encourager les musulmans d'aller vers le chemin du messager, mais vous êtes en train de suivre un chemin tracé par Mohamed Ilyas al-Kandahlawi al-Mubtadi'. D'accord, donc là, le cheikh, il a dit, hein, cela n'est absolument pas permis. Cela n'est absolument pas permis. J'ai moi-même, dit le cheikh, j'ai moi-même constaté la désinvolture du groupe At-Tablir vis-à-vis de la croyance de l'unicité. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de valeur à la croyance d'unicité. Zuhduhum fi At-Tawhid. C'est-à-dire que, donc, ils vont écouter le sujet de At-Tawhid, ils vont, hein, ils vont pas se soucier de cela. Ils vont lui accorder très peu de valeur, sinon il ne va pas lui accorder de valeur. Ils vont même, donc, comme on va voir, ce qu'ils vont faire comme comportement. Il a dit, j'ai moi-même constaté la désinvolture du groupe Tablir vis-à-vis de la croyance de l'unicité. Leur effarouchement quand on la mentionne, c'est quand j'avais donné une conférence au sujet de l'unicité dans l'une des mosquées de Riyad. Hein. Ils, c'est-à-dire les Tablir, ils y étaient réunis. Hein, il y était réuni, quand nous sommes fait masjid. Il y était réuni. Ils la quittèrent alors. Hein, dès qu'ils ont entendu que le sujet de la conférence c'est At-Tawhid, ils ont quitté donc la mosquée. Wallah al-Musta'an. Et pareil à mon cas, l'un des mashayikhs avait donné une conférence au sujet de l'unicité dans la même mosquée. Ils sortèrent donc. Hein, c'est chaque fois qu'ils entendent parler de At-Tawhid, ils quittent la mosquée. Hein. Wallah al-Musta'an. Subhanallah. Hein? Donc là, le tawhid, c'est donc le noyau de l'islam. C'est donc le fondement de base de l'islam. Hein? Ils sortèrent donc. Quand ils entendent l'appel à l'unicité, ils quittent la mosquée. Même s'ils appellent à se réunir au sein des mosquées. Eux, ils disent qu'il faut que les musulmans se réunissent dans les mosquées. Mais lorsqu'ils entendent parler de tawhid, ils quittent les mosquées. Hein? Cependant, quand ils entendent parler d'unicité, ils en sortent, ils sortent des mosquées. Hein? Voilà, et le cheikh continue, il dit, quant au fait qu'ils n'acceptent pas de quiconque les invite à l'unicité, cela est vrai et il ne les concerne pas en propre. Hein? C'est-à-dire, zuhduhum fit tawhid. Et le fait que, donc, si vous allez leur parler de tawhid, ils ne vont pas accepter. Il a dit, cela se trouve chez eux. Et cela ne le concerne pas en propre. Cela se trouve aussi chez les autres groupes égarés tels que l'Ikhwan. Hein? Le Cheikh n'a pas cité de groupe. C'est moi qui ai cité l'Ikhwan ici. Donc là, il a dit, cela est vrai et il ne le concerne pas en propre. Tout un chacun qui suit un programme défini n'accepte pas d'y renoncer. Hein? Il n'accepte pas d'y renoncer. Parce que eux, ils ont une khutba, un plan. Ils disent, voilà comment on va presser et on ne va pas ajouter d'autres choses. Si quelqu'un va leur dire, voici, il y a le sujet de Tawhid, ils vont dire, non, nous, on n'a pas cela dans notre programme. On n'a pas cela dans notre programme. Hein, d'accord? Donc là, s'ils étaient tombés dans un incident à cause d'une ignorance, il se peut qu'ils reviennent à la vérité. Donc là, le cheikh, il a dit, si c'était un comportement de quelqu'un parmi eux, où ils sont tombés dans une erreur, ils ne connaissent pas la valeur de Tawhid, et maintenant, lorsqu'ils assistent à une conférence, ils vont connaître la valeur de At-Tawhid, ils vont donc là le cheikh l'a dit, ils vont revenir à la vérité. Mais hein, or ils y sont tombés par planification, tahqiq. Ils ont connu cela est tracé dans leur programme, etc. C'est tracé par leur chef afin de les éloigner de ces sujets importants de l'islam, hein, tels que At-Tawhid. Donc, parce que pour eux, tawhid, ça divise la umma. C'est vrai que le tawhid, il divise entre les gens qui sont sincères et qui veulent s'attacher à ce que le messager il a apporté et entre les gens qui ne donnent pas de valeur à ce que le messager a apporté. Zubdat ma atabihi nabi alayhi salam. Khulasa da'wat al-anbiya. Da'wa ila tawhid. C'est-à-dire la quintessence de ce que les messagers ils ont apporté. Tawhid. Hein? Donc là, le cheikh, il a dit, or ils y sont tombés par planification, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, man adallahu Allah ala ilm. Celui qui va s'égarer tout en sachant, hein? C'est-à-dire que lui, il ne veut pas de ce sujet, etc. Donc là, c'est grave pour lui. Alors que celui qui va s'égarer parce qu'il ne connaissait pas la valeur donc de Manhaj al-Salaf, ou ne connaissait pas la valeur donc de cette da'wa de al-Tawhid, mais lorsqu'il assiste à une conférence ou un serment, il va se réveiller. Hein, il va se réveiller. Mais ces gens, c'est difficile. Parce que en fréquentant les gens d'innovation, ils vont les éloigner de ces sujets. Hein, le sujet de Tawhid, le sujet de Al-Ilm. Ils ne vont pas donner de valeur à Al-Ilm. Ils vont plutôt donc pratiquer une da'wa avec l'ignorance. Hein, avec l'ignorance. Donc là, le cheikh l'a dit, or, ils y sont tombés par planification et conformément à une méthodologie qu'ils suivent depuis longtemps. Hein, يعني هذا منهج عندهم ils suivent cela, ça c'est un nahj, une méthodologie qu'ils sont en train de suivre. Il est improbable qu'ils y renoncent, hein, ou bien il est improbable qu'ils renoncent à leur voie. Il est improbable, يعني الاحتمال ضعيف جدا, hein, d'accord, لأن الله عز وجل يقول, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله احتجز عن كل صاحب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته, c'est-à-dire que الله سبحانه وتعالى donc il retient la tauba pour un mubtadi' jusqu'à ce que ce mubtadi' il doit délaisser sa bid'a d'abord pour que Allah va lui donner le khair et Allah va lui montrer la lumière, hein, hein. Donc là il est donc ces gens qui vont suivre les gens d'innovation et ainsi de suite, ils s'éloignent de la lumière, ils s'éloignent donc de la bonne compréhension de l'islam. Donc il a dit, le cheikh, il est improbable qu'ils renoncent à leur voie. S'ils le feront, leur groupe devrait donc se dissoudre, chose qu'ils ne veulent pas. Hein? Chose qu'ils ne veulent pas. Et le dernier livre qui a été publié, qui contient les articles à leur sujet, des critiques contre eux de la part de gens les ayant côtoyés, qui les ont quittés et se sont séparés d'eux, c'est le livre rempli d'informations englobant, hein, Shamil, qui s'appelle Shamil, hein, et qui est un livre englobant, hein, d'accord, hein, et qui est de Sheikh, hein, Hamoud bin Abdullah Twijri rahimahullah ta'ala. Hein, ça c'est un livre qui a été écrit pour critiquer At-Tabligh. Al-Radd al-Baligh ala Jama'at al-Tabligh. Ça c'est un livre, et Sheikh Taqiyuddin Hilali aussi, il a un livre dans la critique de Firqat At-Tabligh. Hein? D'accord, Cheikh Mohamed Taqiyuddin Hilali al-Maghribi, il a un livre, il a composé tout un livre dans la réfutation de ces gens. Et aussi, Hamoud Tujri Hafidullah, il a un volume, hein, dans la critique de At-Tabligh. Rahimahullah ta'ala, Cheikh Hamoud, qui s'adonnait beaucoup à la critique et à l'éloge, donc il s'adonnait à cette science. Hein? Il était très connu par ses réfutations. Il n'aimait pas les erreurs et les égarements. Lorsqu'il voyait des égarements, il les réfutait. Hein? Il a beaucoup de réfutations. D'accord? Donc là, il a cité le livre de Cheikh Hamoud. Si c'est un livre qui n'a rien délaissé ayant un rapport au sujet. Hein? Qui s'abouafi. Hein? Ça y est, qui montre leur égarement. Hein? Parce qu'il est récent. Parce que c'est un livre récent. C'est pas comme les fatawa qu'a apporté Mohamed Hassan. Les fatawa anciens, lorsque Hal Al-Tablir n'était pas connu, même chez certains savants. Hein? Donc lui, il s'est attaché à ses fatwa lorsque le groupe il est apparu, ce Mohamed Hassan. Et il a caché ce, par exemple, ce que le cheikh il est en train de citer ici. Hein? C'est-à-dire, il a caché les fatwa récentes. Et il a trompé les jeunes par ce qui est ancien. Il leur dit, voilà, ça se trouve dans les fatwa de l'Ejna Da'ima. Hein? Il fallait dire, ça se trouve dans les fatwa de l'Ejna Da'ima, dans les fatwa anciennes de l'Ejna Da'ima. Mais lui, c'est un, maker, hein. Donc lui, donc il est rusé et c'est un trompeur. Hein, il trompe les gens parce que c'est un ikhwani, Mohamed Hassan. Donc c'est un qutbi ikhwani qui sort même dans les manifestations. Très bien, donc là le cheikh il a dit, hein, après avoir cité le livre de Cheikh Hamoud, il a dit, c'est un livre qui n'a rien délaissé ayant un rapport au sujet. Parce qu'il est récent, il rassemble tout ce qui a été dit auparavant, de sorte qu'il ne subsiste aucune confusion, hein, sur leur statut. Cependant, quand l'épreuve arrive, elle aveugle les yeux. Hein, quelqu'un, tu vas lui montrer l'épreuve. Mais donc il est devenu aveugle. D'accord? Elle aveugle les yeux. Sinon, comment un homme qui vit sur l'unicité, qui l'étudie et qui connaît cette croyance, peut-il être trompé par ces gens? Surtout ceux qui ont vécu en Arabie Saoudite. Hein? Comment suivre ces gens? Quelqu'un qui a étudié, hein, et qui a étudié l'unicité dans des races anédamiennes de l'Arabie Saoudite, qui a étudié Tawhid dans les écoles, et dans les collèges, et dans les lycées de l'Arabie Saoudite, et même dans le Jami'a, hein, et donc dans les universités d'Arabie Saoudite, il va suivre ces gens. Hein. Ça, il y a des douaïs comme cela, il a été donc trompé. Hein, donc là, c'est comme dit le cheikh, là, c'est quelqu'un qui va suivre le hawa. Hein, donc ça, c'est quelqu'un qui va suivre le hawa. Il y a des douaïs comme cela. Il y a Salman Al-Aouda, c'est un Saoudien. Il y a Safar Al-Hawali, il y a Al-A'il Qarni, il y a donc Nasser Al-Umr. Ça, c'est des Saoudiens. Hein. Il y en a d'autres. Il y a donc le Takfiri, Al-Alwan, Suleiman Al-Alwan. Il y a Khalid Al-Rashid. Ce sont des Takfiri saoudiens. Hein. Il y a donc des cas comme cela. Quelqu'un qui a étudié le Tawhid, etc. Et par la suite, il va sortir avec une voie qui est d'égarement. Hein, qui est une voie d'égarement. Donc il a dit, le cheikh, comment hein, se fait-il qu'ils sortent avec eux hein, et invitent à les rejoindre et les défendre? Cela est-il autre chose que de l'égarement après la bonne guidée? Al-hada illa dalal ba'da hudan. Cela est-il autre chose que de l'égarement après la bonne guidée? Cela est-il autre chose que d'échanger ce qui est bon contre ce qui est mauvais? Hein? Comme si quelqu'un il va donner de l'or, il va recevoir des choses mauvaises. Hein? Et, donc, qu'on ne peut même pas citer. Hein? C'est-à-dire qu'il va donner de l'or, etc. Il va recevoir des crottes où il va recevoir des choses. Donc là, quelqu'un qui va délaisser le tawhid, il va délaisser la sunna, il va délaisser man as-salaf salih, il va suivre le tabligh. Il va suivre l'ikhwan. Il va appeler au fitan. Il va donc des pays qui tombent, lui il va continuer à dire oui, mais je suis sur la vérité. Hein? Comme avait dit Cheikh Abu Abd al-A'la, l'auteur de cette épître. Donc même après ces pays qui sont tombés et qui sont tombés dans beaucoup donc de drames et beaucoup de morts et beaucoup donc de cas de blessés et beaucoup de destruction, beaucoup de dégâts, et il continue à dire mais nous on est sur la vérité. Et le Cheikh il a donné donc un hadith, il a dit que ça c'est il s'applique sur eux qu'ils ont des cœurs très durs, des cœurs de diable dans le corps et dans l'apparence d'un humain, parce qu'il est en train de voir des enfants qui meurent dans les manifestations, dans les révolutions, dans les révoltes de la franc-maçonnerie. Ils sont en train de voir tout ce déchirement, toutes ces calamités, tout cela. Et ils continuent à dire, mais nous, on est sur la vérité. On s'est révolté contre le gouverneur. Or, le gouverneur, c'était un musulman. Il ne s'agit pas de se révolter contre lui. Or, le gouverneur, même qui en Syrie, qui est mécréant, ou bien celui qui était en Libye, qui est mécréant, Bachar al-Assad ou al-Qaddafi, Muammar al-Qaddafi, c'est des mécréants. Mais, hein, le hikma et la sagesse veut que vous ne vous révoltiez pas contre ce kafir parce que vous allez donc attirer plus de mal que de bien pour les musulmans. Hein, parce que les gens de science, hein, c'est eux qui sont mieux placés pour vous dire hein, donc quelle est la vie juste. Et donc d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas le qudra, il n'y avait pas la capacité d'évincer ce gouverneur, même s'il est kafir. Maintenant avec Bachar, il est toujours là-bas en place. Et dans l'autre situation où ils sont parvenus à tuer donc Kadhafi. Mais la Libye, elle est encore dans l'anarchie. Hein? Qu'est-ce qui est meilleur? Un pays qui est paisible, où les gens travaillent, où les gens vont apprendre, où les gens ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un pays où il y a les troubles, ils ne vont pas savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont même, donc ils ne vont pas trouver donc quoi manger. Hein? Donc là, il faut être raisonnable. Manhaj Salaf, comme dit le Cheikh Rabi' dans Manhaj Anbiya fi Da'wa Illah, c'est un manhaj basé sur la sagesse et le bon sens. Fihi al-hikma wa al-aql. Non pas suivre les passions et suivre les gens de passion qui vont les tromper par des slogans, al-hurriya, qui vont les tromper par des slogans comme cela, avoir al-hurriya, la liberté, ne pas être gouverné par tel homme et ainsi de suite. Non, le manhaj salaf salih, il est basé sur de voir donc dans la sagesse, dans les textes, hein, ce que disent les textes. Très bien, donc là, le cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, le cheikh Fawzan, dans cette fatwa, il a dit, comment se fait-il qu'ils sortent avec eux, invitent à les rejoindre, hein, et ils les défendent. Comment se fait-il que quelqu'un qui a connu le tawhid, il va défendre le tablir, hein? Alors que le tablir, il donne le bay'a à trois sectes soufis de ash-shirk, d'accord, hein? Donc cela est-il autre chose que de l'égarement après la bonne guidée? Cela est-il autre chose que d'échanger ce qui est bon contre ce qui est mauvais? Nous demandons à Allah la protection et le salut. Hein? Mon conseil aux gens de la masse et autres, hein, que ce soit les gens de la masse ou autres, et autres, est de ne pas les fréquenter, de ne pas fréquenter les gens d'innovation. Hein? Fin de la fatwa de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et donc là, par rapport à ce qu'il a dit au début, hein, par rapport à ce qu'il a dit concernant, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à At-Tawhid et ainsi de suite, je viens de découvrir quelqu'un qui se trouve sur YouTube. Il a dit une parole grave à l'égard de At-Tawhid et donc de la Aqida. Hein, quelqu'un qui s'appelle Ayman TR. Et s'il n'avait pas beaucoup de suiveurs, je ne l'aurais pas cité. Hein, s'il n'avait pas beaucoup de suiveurs, je ne l'aurais pas cité. Il a beaucoup de suiveurs sur YouTube, c'est pourquoi je le cite. Hein, donc, et je mets en garde contre lui, je conseille à mes frères donc de faire attention à ce genre de personnes, et je dis cela parce que cela, donc ce qu'on est en train de faire, il sera enregistré, peut-être que des gens vont profiter de cela. Donc là, cette personne, je viens d'écouter quelques morceaux de lui, je viens d'écouter quelques 10 minutes de lui, et il a dit dans une parole, il a dit une fois j'ai acheté un livre de l'Aqida, mais lorsque j'ai commencé à le lire, ça m'a fait mal à la tête, hein, et alors j'ai jeté ce livre et j'ai repris le Coran, hein, j'ai jeté ce livre de l'Aqida, subhanallah, jeté un livre de l'Aqida, ça c'est une parole de mécréance. Je dis cette parole, c'est une parole de mécréance. Moi je dis pas que ce personnage ou que cette personne elle est mécréante, je dis que sa parole c'est une parole de mécréance. Cette parole, c'est une parole de mécréance. Que de dire de les livres de l'Aqida, je les jette. Les livres de l'Aqida, ils contiennent قال الله قال رسوله. L'Aqida, c'est le fondement de base de l'islam. Donc le prophète, alayhi salam, il a appelé à At-Tawhid, il a appelé à l'Aqida. Et lui-même, il a dit dans un autre audio, il a dit, hein, donc dans ces 10 minutes, j'ai écouté ici 2 minutes ou 3, et j'ai été choqué, j'ai trouvé aussi une autre parole, il a dit, le terme de Tawhid, même il ne se trouve pas dans la... ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Moi, je dis qu'il se trouve dans la Sunna au moins. Hein? Moi, je dis qu'il se trouve au moins dans la Sunna. Le prophète, lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit, il y a qu'un awal masad umileh, il y a anishadu an la ilaha illallah. Et dans une riwaya, dans une version authentique, hein, awal masad umileh, il y a an yuwahidullah, il y a an yuwahidullah. Donc là, le terme At-Tawhid, il se trouve dans la Sunna. Hein? Et même lorsqu'il a dit, il était en train de répondre lui-même à cela, il a cité la surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Moi, je dis, est-ce que dans le Qul huwa Allahu ahad, est-ce qu'il n'y a pas la racine du mot Tawhid? Ahad. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas donc Tawhid? Hein? Donc là, cette personne, c'est une personne donc qui veut des suiveurs, etc. Il va faire une da'wa. Qui va aller chez les gens par donc des ahat. Il a donc un fond musical derrière lui lorsqu'il parle, hein, qui accompagne sa parole. Il va parler pour enjoliver et embellir des paroles pour que des gens ils vont dire voilà, ça c'est l'islam, voilà, ça c'est une belle da'wa, hein. Donc là, c'est une personne qui cherche des suiveurs et qui n'appelle pas à l'islam authentique, et c'est un converti, mais c'est un ignorant. C'est un ignorant qui ne connaît pas l'islam, haqiqat l'islam. Il ne connaît pas haqiqat l'islam. Haqiqat l'islam, il est tawhid. Et même Ibn Qayyim l'a dit, tout le Coran, il est dans le tawhid. Hein? Qui on va donc prendre? Ibn Qayyim, ou bien on va prendre la parole de cet inconnu, de ce majhoul, hein? Est-ce qu'on va prendre donc la parole d'Ibn Qayyim, qui est un imam de l'islam, qui dit que tout le Coran il est dans le tawhid? Ou bien est-ce qu'on va pas prendre la parole donc de celui-là? Donc là, ces gens qui ne veulent pas faire da'wa de tawhid, c'est des gens qui n'appellent pas à la vérité de l'islam et qui veulent appeler à eux-mêmes, qui veulent avoir des suiveurs. hein, des suiveurs. Wallahu musta'an. Très bien, donc là je vais m'arrêter ici pour la première partie, pour que cela ne fasse pas très long. Alhamdulillah Rabbil Alameen.